paroles de mon hymne à toutes ces personnes anonymes, ceux qui volent l'étendard de leur pays, ont douloureusement perdu la vie. Tout ça pour une histoire de frontières, toujours le même problème avec les guerres. 2009, c'est de partout que vient la menace, vu que beaucoup croient qu'il y a plusieurs races. J'adresse les paroles de mon hymne à toutes ces personnes anonymes, ceux qui chaque hiver dehors quelquefois. Donc j'ai pas me dire qu'on a tous les mêmes droits. Ceux qui se rendent compte, ceux qui l'ont vu de rue, ils te diront qu'ici y'a rien de bien, ici ça pue. Les politiques n'ont toujours pas réglé le problème, heureusement des associations se démènent. J'adresse les paroles de mon hymne à toutes ces personnes anonymes, à ceux qui auraient été vider les bouteilles. Le jour a paru leur merveille, plus de bière, mais un café au réveil, un pur bonheur à chaque moment d'éveil. Chaque jour plus précieux que la veille, depuis c'est sûr que plus rien n'est pareil. J'adresse les paroles de mon hymne à toutes ces personnes anonymes, à ceux qui vivent dans la pure illégalité, vu que personne ne veut leur donner ce papier, que tout s'appelle carte d'identité. On les surnomme les étranges étrangers, mais pour tout l'Italien, ils voudraient être libres de venir et d'aller, sans sol français comme à l'étranger. J'adresse les paroles de mon hymne à toutes ces personnes anonymes, à ceux qui savent que le savoir est une arme, que la parole peut faire couler des larmes, qu'il est plus que temps de tirer l'alarme, vu qu'à chaque seconde se déroule des drames. Regarde ce toxicomane accro à sa cam, et se marie dès qu'il a vu frappe sa femme.